Los Angeles. Elle est l'ange gardien, surtout elle est l'idole du temps de ma jeunesse. Elle est de Los Angeles. Elle est une étoile filante qui laisse de ressouvenirs à LA. Pour elle j'ai aimé tant les films de la MGM. J'épouserai pour le meilleur, pour elle toute la métro Goldwyn Mayer. Los Angeles, sitôt qu'elle paraît, moi je laisse mes sombres idées au placard. Elle est l'ange qui plane à LA au-dessus de Sunset Boulevard. Pour elle, j'ai aimé tant les films de la MGM. J'épouserai pour le meilleur, pour elle toute la métro Goldwyn-Mayer. Cette douceur qu'elle a, et même chose plus étrange, sous le pinceau de Raphaël, jamais je n'ai vu d'aussi tendres ailes que sur le joli dos que j'aimais. Pour elle, j'ai aimé tant les films de la MGM. J'épouserai pour le meilleur, pour elle toute la métro Goldwyn-Mayer. C'est sans allure et les anges ont des engelures. Quant à elle, je crois, elle est montée un soir au-dessus de LA comme un ange, elle s'est envolée. Pour elle, j'ai aimé tant les films de la MGM. J'épouserai pour le meilleur, pour elle toute la métro.